nosotros no hay lío. Eso vamos aquí. Entre nosotros no hay lío. Por esto vamos aquí. No pierdas tu camino, muchacha linda mía. No pierdas tu camino, muchacha linda. Yeah. cha-cha. Bon, les gars, vous m'avez tué. Yo, kill me. Yo, kill my groove. J'étais en mode hot, vous m'avez refroidi là tout de suite. Finalement, tabernacle, vous m'avez tous tué. Si j'ai un petit conseil, je te conseille les latines, meilleur. Bye bye, bye bye, bye bye. Va dormir, va dormir. Go on, my friend. Go on. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.